l'humeur de Guillermo Guiz. Oui. Bonjour les amis. Salut. Non, salut. Ça va? Ça va et vous? Alors j'ai fait mes calculs, en théorie je passerai pas l'été. 7 fruits et légumes par jour c'est beaucoup trop, je vous la chandelle. Par-delà, blague à part, vraiment je vais pas bien en ce moment, j'ai 2-3 amis chers qui sont partis trop tôt et voilà, cette chronique elle est pour toi Serge Dassault. Mais bon, en attendant, j'ai enfin trouvé un nouveau truc. Pour voir la vie, j'ai trouvé un nouveau truc pour voir la vie du bon côté, c'était tout con. Ah oui, c'est tout con. Tu fais semblant que dans ta bouteille, c'est de l'eau. Ça suffit, Leïla. Arrêtez de tirer la couverture à vous. Vous n'avez qu'à donner vos astuces bien-être sur votre propre site internet, www.laurentdelahousse.fr. Non, rien à voir avec les addictions des uns et des autres qui les font danser comme le chétan pendant les fêtes de fin d'émission. La lumière m'est venue d'une étude assez inquiétante en fait, qui révèle que les Français passeraient en moyenne 7h24 par jour assis. 7h24. Alors, je vous donnerai bien le score des Belges, mais ils n'ont pas sondé les Belges. Alors, on a un sous-peuple. Et qu'on ne mérite pas que la science s'intéresse à nous. En attendant, il est belge, Olivier Mine. Voilà. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. C'est vrai que c'est injuste. Les Belges, ils sont comme tout le monde, assis devant Facebook, apprenez le rétablissement de la peine de mort. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Et c'est vrai qu'il faut savoir qu'en Europe, la sédentarité tue 600 000 personnes par an. 600 000, c'est plus que les pulls en col V et les films avec Jean Reno. C'est énorme. Du coup, c'est vrai, j'ai décidé de m'activer. Je ferais bien du vélo, mais je trouve que c'est pas si facile à Paris de faire du vélo. Mais vélo, t'es assis. Parce que les gens te haïssent. En fait, quand tu roules à vélo à Paris, en fait, les gens ils te voient et ils voient Anne Hidalgo. Mmh. Tu peux ressembler à Jean-Pierre Castaldi, les gens ils voient Anne Hidalgo. Vraiment. Et là, non, j'ai une pomme d'Adam, ta gueule ça. Et vraiment, je préfère marcher, vraiment. Je préfère marcher. J'adore marcher dans Paris. Je regarde les gens. Je me demande quelle maladie ils ont et tout. C'est vrai, je croise Daniel Morin, je me dis, ah là, il y a un challenge. J'en ai sur plusieurs germes à la fois. Vraiment, non, c'est vrai. Je croise Michel Houellebecq et je me dis, c'est bon, j'arrête, je réécoute ma musique. Vraiment, parce que j'ai pas les épaules pour ce jeu. Mais c'est vrai que marcher, c'est la vie. C'est la vie. On va tous vers la facilité parce qu'on se dit, ouais, je vais prendre le métro, peut-être que je vais trouver un frotteur, etc. C'est vrai, peut-être que si je prends un taxi, je me ferai peut-être un copain. Mais en fait, on est des branleurs vraiment à pied, Paris-Toulouse. Porte à porte, c'est 11 jours, quoi. Du pont de Ligonnès, là, il te le fait en 4. Mais on a vraiment perdu le réflexe. Il faut pouvoir marcher, je pense. Il faut pouvoir marcher tant qu'on a les jambes pour marcher. J'adorerais pouvoir travailler en marchant. C'est vrai, j'en parlais avec une copine au bois de Boulogne. Elle fait quand même attention à tes généralités. Mais sur le principe, elle était OK, sur une ristourne, parce que je connaissais Potom Villa, etc. Enfin, soit, pour de vrai, j'en ai marre de travailler assis. C'est vrai que les gens, ils pensent tout le temps qu'humoriste, c'est juste faire son spectacle, rencontrer son public, sortir en boîte, refuser de la kétamine, finir par accepter, percuter un piéton, passer une nuit en poste, engager l'avocat de Pierre Arditi, être acquitté, prendre un peu de recul et revenir plus fort avec un deuxième spectacle. Mais c'est pas que ça, humoriste. C'est pas que ça. Moi, j'écris mes blagues assis. Je viens les faire assis autour de cette table. Je reste assis parfois pendant 1, 2, 3, 4 heures en fonction de la longueur des questions de Nagui. C'est vrai, franchement, je ferais bien mes chroniques debout, mais on comprend déjà rien quand je suis proche du micro. Si je m'éloigne, les auditeurs vont vraiment croire que c'est un la tête au carré spécial langage prémoderne. Vraiment, donc ça craint, je pense, ça craint d'être assis. Il faudrait interdire la position assise, ne fût-ce que pour éviter les risques de pratiquer le djembé, je pense. Mais c'est vrai, et puis c'est pas bon pour l'organisme. Les tuyaux du corps se bouchent. Moi j'ai 36 ans, mes artères c'est Kinder Bueno, vraiment. Mon sang il coule pas dans mes veines, il rampe. Vraiment, c'est vrai. Pour avoir une érection correcte, moi je dois attendre 35-40 minutes, c'est terrible, c'est vrai. Mon gag c'est une chasse d'eau. Et cette métaphore elle a pas de sens, c'est normal, je l'ai écrite assis. Voilà, donc comme ça, faut fluidifier, faut qu'on s'aère l'esprit, on devient tous cons à être assis tout le temps. Regardez Socrate par exemple, il réfléchissait en marchant. Résultat, il a été condamné à mort. Mais c'est parce qu'il avait pas pris l'avocat de Pierre Arditi. Vraiment, et c'est dommage parce que pendant 200 000 ans, on a marché. Sapiens c'est un chasseur-cueilleur. C'est vrai, il a fallu qu'on invente l'agriculture il y a 12 000 ans pour qu'on s'installe tous dans les villes. Puis tous dans des apparts, puis tous dans des canapes, et qu'in fine, il se passe quoi? Mediapro rachète les droits de la Ligue 1. C'est normal ou c'est naturel, vos Canal+ montent plus la Ligue 1? Voilà, bah, cette métaphore, je l'ai eue pendant que j'étais assis. Faut que je trouve, j'aurais dû conclure debout. Allez, bonne émission, les amis. Merci, Guillaume Guiz. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. La bande originale. Tu joues tout.